Il y a dans notre société une évolution lente et permanente en direction de la vaccination obligatoire. En effet, certaines vaccinations sont de plus en plus souvent exigées dans certaines professions. En début de carrière, le personnel médical doit souvent se faire vacciner contre l'hépatite B qui se transmet prétendument par le sang. Chaque année, un appel est lancé au personnel soignant et aux médecins de se faire vacciner contre la grippe. De même, certaines vaccinations sont conseillées aux militaires et aux pompiers. Mais est-ce que la prescription de telles mesures médicales est vraiment la mission de l'État? Voici la voix du professeur Newman qui vivait au 19e siècle. Je prétends que la prescription d'un procédé médical ou l'adoption d'une théorie scientifique va au-delà de la compétence de l'État. D'un côté, des vaccinations sont recommandées pour la protection de la santé. De l'autre, les médecins scolaires commencent à refuser de prendre la responsabilité de vacciner. Quelques écoles viennoises sont pleines d'agitation à cause de l'arrêt des vaccinations. Des médecins refusent de prendre la responsabilité de vacciner les enfants. Roman Heffele, chef des médecins scolaires viennois, confirme qu'après des problèmes en automne, la situation juridique a été clarifiée. Les médecins scolaires sont responsables. Depuis ce moment-là, plusieurs médecins ne pratiquent plus de vaccination. Avec cette disposition réglementaire, la discussion sur les dommages liés à la vaccination passe à une nouvelle dimension. Il reste la question suivante. Pourquoi les médecins refusent-ils de prendre la responsabilité en cas de dommage si les vaccinations sont recommandées pour maintenir en bonne santé et même obligatoires pour certains métiers?